On m'appelle Pouli, Pouli l'incompris. On sort répond du rang, j'en sors le Coran. Alors petit, respecte et apprends. Mes cours de SI, y'a pas de secret en s'entraînant. Eh oui mec, je suis prof d'élec. J'enseigne à la cité, tu peux pas tester. Eh oui mec, je suis prof d'élec. Eh oui c'est vrai, toi-même tu le sais. Avec mon pote série, on s'occupe des ST. Grave cette biellette, ouais c'est la fête. Écoute bien mon gars, si tu ne travailles pas, eh bien tant pis pour toi qu'on prend sur ce cours là. Eh oui mec, je suis prof d'élec. J'enseigne à la cité, tu peux pas tester. Eh oui mec, je suis prof d'élec. Eh oui c'est vrai, toi-même tu le sais. Alors négro, tu rages de mon flow, tu rages de mon aisance, tu rages de mes connaissances. Écoute bien ceci, illégal RI. Maintenant c'est easy, tu l'auras compris.